tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h. Cette semaine, on rediffuse « Montrez-moi une scène de crime », une série de Michel Pomarède, réalisée par François Teste. Au départ de cette série, il y a des images échappées de polars, de films noirs ou de séries policières et que l'on veut mettre à l'épreuve de la réalité. Et il y a une interrogation. Comment côtoyer au quotidien le crime, la mort et la violence sans que cela nous vous ronge petit à petit? Alors il faut écouter ces hommes et ces femmes de l'identité judiciaire, policiers et scientifiques qui remettent de l'ordre dans le désordre pour faire parler les traces. Alors pour commencer, les personnages. Un homme en combinaison, Charlotte et pinceau, un autre avec une mallette remplie de poudre, un policier qui mitraille la scène avec son appareil, une femme qui traque les traces de doigts, une autre avec des sachets et un super-héros. Ensuite, le décor, un appartement vide, des sanitaires plongés dans le noir, des scellés, des cavaliers, des escaliers, des éprouvettes, des souvenirs morbides et des escouades de mouches. Aujourd'hui, deuxième épisode, on se demande ce qui s'est passé cette nuit. Alors Thierry, le cahier, donc, qu'est-ce qui se passe hier soir? Mais l'équipe, est-ce que Superman est mort? Encore une fois, mais je ne sais pas, on verra ça si c'est Superman. On verra. Donc l'équipe de nuit donc, est sortie sur une enquête après décès, encore une fois. Recherche des causes de la mort. Je pense que c'est celui-là, à Sevran, voilà. Mais recherche des causes de la mort, article 74. Donc un passant découvre sur la voie publique un homme face contre terre inanimé. L'homme est vêtu d'une tenue de super-héros, cagoule, tenue moulante, ceinture blanche à laquelle est attaché un couteau, bottes en plastique. Le SAMU n'a pu que constater son décès. Du sang s'échappe d'une petite plaie située sur une pommette. L'origine de celle-ci, coup ou consécutive à une chute, n'est pas établie quant à présent. Le corps du défunt se trouve sur la chaussée. Voilà. Superman aurait raté son atterrissage. Ah ben oui, on ne sait pas. Ou alors il n'a pas pu s'envoler, je ne sais pas. Mais... Ou alors on l'a poussé. On l'a peut-être poussé aussi, oui. Ou peut-être il croyait avoir des super pouvoirs, mais il ne les possédait pas, vraisemblablement. Identité judiciaire. Opération Blue Star, à la recherche d'une trace de sang. Michel Pomarède, François Tess. Franck, on est quelque part dans Paris, il est 10h30, votre journée commence comment aujourd'hui? Bah là, aujourd'hui, on a été saisi par un service d'enquête parisien suite à un homicide. Et donc, en fait, une des connaissances de la victime aurait habité dans cet appartement-là. Donc là, en fait, là, pour l'instant, on n'est pas rentré dedans, les collègues ne sont pas rentrés dedans. Et donc on attend le propriétaire des lieux qui louait l'appartement pour nous faire ouvrir l'appartement. Et on ne sait pas du tout ce qu'on va découvrir dedans. Voilà. Donc c'est ou un appartement en désordre complet, ou un appartement complètement rangé. Donc à l'intérieur, bah, en fonction de ce qu'on va découvrir, on va y faire ou des recherches de traces papillaires, ou des prélèvements biologiques, ou les deux. Et principalement, ce qui nous a été demandé, c'est du Blue Star, à savoir c'est un produit... chimie luminescent qui réagit à l'oxydant. Donc en fait l'idée c'est de découvrir des taches qui vont réagir. Ça réagit d'une couleur bleue vive, phosphorescente. Et à partir de là, pour savoir si c'est du sang humain ou pas, parce que c'est un peu l'idée de notre opération, on a des tests et là on déterminera si c'est effectivement du sang humain ou pas. Donc là pour l'instant, à cette heure-ci, on n'en sait pas plus. Donc on va découvrir les lieux tous ensemble. Qui vous accompagne? Donc une collègue, Julie, qui est de ma section, et un photographe, Steve, que vous connaissez. Avant qu'on modifie les lieux, parce qu'on va être obligé d'être dans l'obscurité totale pour le boussard. Donc on va modifier les lieux. Donc là, il va faire ses vues générales avant toute modification. Et avant qu'on fasse nos recherches, parce qu'on va salir un petit peu quand même. Donc là, il va ce qu'on appelle figer les lieux. Voilà. Donc il fait toutes ses vues d'ensemble. Et puis après, en retour, il va nous dire s'il trouve quelque chose de suspect ou d'intéressant pour l'enquête. Anthony, donc vous êtes enquêteur, vous, sur cette affaire. Dans votre expérience d'enquêteur, qu'est-ce que les gens de l'identité judiciaire arrivent à voir sur une scène de crime que vous, par exemple, vous ne verriez pas ? C'est des taches de sang, c'est des empreintes, c'est des passages où les mises en cause auraient pu passer, des traces qu'ils auraient pu laisser, que nous, on n'aura pas vu, qu'on n'aura pas distingué ou qu'on n'a pas pu penser. Ils nous disent, regarde bien là, parce que peut-être qu'il a sué à cet endroit-là, peut-être qu'il a pu laisser de l'ADN. On les suit, parce que le cheminement peut être éclairci grâce à eux, tout simplement. Là, Steve, il est en train de faire des photos, c'est-à-dire que cet après-midi, vous allez les recevoir ou demain sur votre ordinateur. Tout à fait. Et donc après, est-ce que vous échangez encore par téléphone en disant il y a des choses que je n'ai pas compris. S'il y a des détails qui sont révélés par les photos, je vais les rappeler parce qu'ils vont nous dire, voilà, le plan photo, donc on nous a montré qu'il peut y avoir certains indices qui peuvent être intéressants, donc reste là-dessus, concentre-toi sur ce détail-là. Et à l'inverse, donc ils peuvent me rappeler aussi, si jamais eux, leurs photos, ils vont dire, il y a une photo dont je ne t'ai pas parlé, il y a un élément dont je ne t'ai pas parlé, qui apparaît là, donc c'est toujours un échange par rapport à ça. Pendant ce temps-là, au siège de l'identité judiciaire, la chef adjointe de la section traces et indices a besoin d'un petit service. Oui, bonjour, c'est Perrine à Ligy. Oui, je te dérange pas ? Ah, alors je suis désolée de te déranger. Il faudrait rappeler la permanence des stupes. Ils ont une jave en cours et il y aurait un téléphone à examiner. Donc, tu peux les contacter au 01 77 72. Voilà. Et la collègue, c'est Sarah. Voilà, bon. D'accord, merci. Au revoir, mes amis. Oui. Retour au labo. Retour au labo. Ce sont des scellés que j'ai reçus dans le cadre d'une expertise pour trafic de produits stupéfiants. Et j'ai énormément de sachets à examiner qui sont passés à la cuve cyanoacrylate donc pour obtenir des traces papillaires. Et là, à l'aide d'un système portatif de lampes, je vais trouver, j'espère, des traces papillaires sur l'ensemble de ces supports. Le système de lampe, c'est le Crimscope ? Oui, alors c'est une autre lampe, mais c'est le même principe que les lampes portatives comme le Crimlight que nous avons sur les scènes de crime. Donc j'en ai 200 sachets comme ça. Et pour l'instant, j'en ai étudié 120 et je n'ai eu que 4 traces papillaires, ce qui est très peu. Ce qui me laisse à penser que peut-être les individus étaient porteurs de gants quand ils ont... ce sont des sacs, vous voyez, où ils ont placé la matière stupéfiante. C'est possible qu'ils étaient porteurs de gants parce que 4 traces papillaires sont pour l'instant les 120 sachets. C'est assez peu. Donc nous sommes plongés dans le noir. Et là, à l'aide de la lampe, en rasance, j'essaie de détecter les traces papillaires. Et nous devons faire toutes les surfaces comme ça. Mais on voit que ces sacs ont quand même été... Enfin, vous voyez, ils sont sales. Lorsqu'ils ont été manipulés par le service enquêteur, lorsqu'ils ont fait cette découverte, eux-mêmes portaient d'ailleurs des gants, heureusement. Là, par exemple, dans ce sac, il y avait 1000 grammes de matière stupéfiante. 1080, là aussi. Et en fait, vous voyez, j'en ai un paquet, quoi. Donc, tout était bien. Donc, ici, par exemple, nous avons 2 traces papillaires. On voit les crêtes, les sillons. Oui, d'abord, vous le voyez à l'œil nu, et après vous prenez... Alors, à l'œil nu, non, enfin, grâce à la lampe portative en rasance. Ensuite, avec une loupe, je regarde. Effectivement, ce sont bien des traces papillaires. Là, je ne peux pas dire si elles ont les fameux 12 points pour être exploitables. Donc, je, effectivement, à l'aide d'indices, en fait, de petites gommettes, que je place sur un support plastifié par-dessus... je vais ensuite les photographier et là je pourrai voir si ce sont des traces dites exploitables. Ensuite je comparerai avec le mis en examen, puisqu'il y a un mis en examen dans le cadre de cette affaire qui a été saisie par le juge, et si cette trace ne lui appartient pas, j'enverrai cette trace auprès du FAED en espérant que la trace IT sur un complice éventuel de ce mis en examen. Steve, vous êtes rentré le premier avec votre appareil photo. À peu près combien de clichés vous avez pris de cet appartement? Possiblement une scène de crime. Là, entre 20 et 30 photos à peu près, les vues uniquement générales et de localisation du peu d'objets qui ont été laissés à l'intérieur. Et après, on faudra voir par la suite s'il y a des objets à prendre plus précisément en vue de détail. Pour l'instant, c'est une trentaine de photos. Donc c'est relativement peu par rapport à... Juste les pièces en général, un aller-retour. Là, c'est propre, carré, il n'y a rien qui traîne. Donc il n'y a pas de bazar au sol ou d'autres choses à faire avec plusieurs clichés. Donc ça reste très général. Dans un premier temps, je vais voir si j'ai l'équipe. Ouais. Comme ça, il va me montrer ce qui lui appartient, ce qui appartient à tout. Ouais. Comme ça, on écarte. Ouais. On fera des tests en priorité là-dessus. Bah, bien sûr. D'accord. Il va falloir qu'on cible un peu. Ouais, on va cibler, on va être beaucoup plus précis. Tout ça a été nettoyé. Parce que la personne, la victime, qui a été retrouvée dans un autre lieu, elle est morte comment? Ah, ça. Non. Pardon. C'est toujours le problème des affaires en cours. C'est pour ça que moi, je ne me permets pas d'en parler, hein, parce que moi je ne suis pas chef d'enquête, donc c'est pour ça que je pose la question à mon collègue enquêteur. Donc, l'enquêteur a dit chut. Il a dit non. Donc, voilà. Vous êtes le propriétaire de cet appartement. Oui. Et vous ouvrez là, et à l'intérieur, aujourd'hui, il y a des enquêteurs, des policiers du service identité judiciaire qui potentiellement traitent votre appartement comme une scène de crime. Qu'est-ce que vous ressentez? C'est assez étonnant, enfin c'est surprenant. Bon, ça fait pas non plus... c'est pas une très très grande surprise, parce qu'on avait quelques petits doutes. De là à ce que ça devienne effectivement une affaire aussi, aussi grosse, bon... Je pense qu'avec les émissions de télé, etc., ça nous habitue un petit peu. Bon, après, il n'y a pas réellement de choses, je dirais, surprenantes. On aurait vu un cadavre ou des traces, etc. Bon, là, je pense qu'on aurait un petit peu plus cogité. Voilà. Mais c'est surprenant dans le sens où... Enfin, moi, je m'attendais plutôt à des questions d'ordre général, vol de cartes, des trucs comme ça. Puis là, quand il m'a expliqué ce matin qu'en fait, c'était un peu plus grave que ça, oui, ça surprend un peu. À ce niveau-là, ça surprend. C'est-à-dire que potentiellement, votre appartement peut être scellé dans les jours qui viennent, oui, c'est et ça. Vous n'en avez plus la jouissance. Oui. Retour au siège de l'identité judiciaire, ça rembobine dans les enceintes. Dressez l'oreille. Une voix d'homme. Oui. Oui, mais je peux pas en dire plus. Fabrice, vous appartenez à la section traces technologiques. Et ce matin, je voudrais qu'on voit avec vous un exemple de votre travail. Un jour, j'ai des collègues qui viennent me voir parce qu'ils ont un enregistrement qui est de très mauvaise qualité. Ils me disent on n'entend rien, on comprend rien. Donc, j'ouvre donc le fichier et je m'aperçois donc à l'affichage à l'écran que forcément, ce fichier est parasité. Alors, la présentation de ce programme m'indique que c'est un enregistrement stéréo, parce qu'il est sur deux lignes, et les deux représentations qu'on voit sont deux fois la même chose, en gros. Il y a un histogramme et un oscillogramme. Mais je m'aperçois tout de suite que cette partie-là est totalement parasitée. Donc, on a la possibilité, en fait, de dissocier la partie gauche de la partie droite. Donc là, j'ai en fait séparé la partie parasitée et je n'ai gardé que la partie du son qui donc n'est pas forcément parasité par ce bruit de porteuse électrique. Le son n'est pas super, mais on a pu quand même retravailler dessus. Au final, Fabrice, vous arrivez quelques heures après avoir commencé à travailler à comprendre ce qui s'est dit entre ces deux hommes ? Clairement. À des moments, oui. À des moments, c'était beaucoup plus dur. Mais on a réussi à retraiter le signal sonore. Alors, je ne peux pas vous donner le rendu final, parce que c'est quand même une affaire. Mais on a réussi quand même à débruiter du mieux possible, en gros, l'essentiel du fichier. Beaucoup de vos fichiers, c'est des écoutes téléphoniques ? Pas uniquement, mais on travaille aussi sur ça, ou sur des sonorisations aussi de lieu. Nicolas, vous êtes diplômé en biologie, vous avez l'identité judiciaire et vous retrouvez aux traces technologiques. Donc là, c'est plus la bio, c'est autre chose. C'est quoi les traces technologiques ? Alors les traces technologiques, c'est l'héritage de l'ancienne section téléphonie et vidéo qui ont fusionné pour donner la section de traces technologiques. Et très concrètement, c'est l'analyse de tous les téléphones portables, GPS, l'analyse des fichiers vidéo, l'extraction des fichiers vidéo et des fichiers audio. Qui viennent d'où ? Saisis dans les cadres d'enquête judiciaire. Les jeunes membres de votre équipe, j'imagine, sont plus geeks que spécialisés en biologie. Il faut être quand même capable de rester longtemps devant un écran d'ordinateur à trier des données. Donc ça va être parfois 300 000 SMS, des milliers de conversations, des milliers de journaux d'appels, des milliers et des milliers. Il faut quand même être assez à l'aise avec les tableurs. Et donc c'est beaucoup de travail sur écran. Donc il faut quand même avoir un tempérament pas trop énervé, pas trop instable. Et puis aussi, quelque part, une force de caractère, parce que on peut voir des choses dans les téléphones qui sont quand même assez choquantes et parfois même déstabilisantes. Par rapport à l'âge, des fois, même déjà dès 13 ans, déjà, la sexualité, elle est alors sans filtre, dans certaines façons, comme on parle à une jeune fille, et inversement, comment la jeune fille va s'exprimer. C'est de la pornographie, ouais. Ce que ça organise, les parties à plusieurs... les photos qui s'envoient, sans réfléchir aux conséquences, l'homme se caresse, la femme se caresse, ça se filme, ça l'envoie, au risque d'être partagé sur des réseaux sociaux et avec les... C'est-à-dire que Nicolas, vos collègues du service photo, plan ou dactylo technique, ils rentrent dans la vie des gens dans leurs appartements, vous rentrez dans la vie des gens via leurs conversations ? Leurs conversations, leur téléchargement de musique, leur navigation internet... leur façon de s'exprimer, leur vie de famille, leur vie sociale. Est-ce que vous avez été témoin dans les conversations que vous avez saisies ou décryptées aussi d'approches de jeunes par des inconnus qui voudraient les inciter à se radicaliser ? La section antiterroriste de la brigade criminelle est actuellement un gros client. Donc via des sites qui prônent que là-bas c'est merveilleux, que la France fait des massacres en Irak, qu'elle est responsable. Donc forcément, et de tous bords, que ce soit par des SMS, que ce soit par des petits groupes de personnes qui entre elles vont se dire « Mais non, n'écoute pas ce qui se dit, la vérité c'est nous qui l'avons. » Sur un jeune plus ou moins crédule ou plus ou moins fragile actuellement, parce que parfois c'est ça aussi, il y a une fragilité et puis d'un coup se jette dans ce genre de débat, et quand il est soutenu par un groupe plus ou moins important, et quand en plus derrière on lui montre de la vidéo et qu'on lui montre toute une organisation solide, forcément il va décrocher un peu de notre réalité républicaine, voilà quoi. Donc oui, forcément on le voit, oui. que vous avez aujourd'hui dans les mains, on est en novembre 2016, le logiciel qui permet de faire de la reconnaissance faciale. Il y a une affaire, on peut le dire, hein, sur il y avait trois femmes, c'était l'assassinat de trois femmes, je crois, kurdes. Sur Paris, là, il y avait 11 téraoctets de vidéos, ça représentait 6800 heures de vidéos, soit deux fonctionnaires par jour, pendant 8 heures, pendant un an. Ne serait-ce que pour visionner. Sachant que parfois une image, ça se voit, ça se revoit, ça se repasse. Donc déjà, le principe de base aujourd'hui, c'est que si on avait toutes les caméras de Paris là sur une journée aujourd'hui, ça ferait par exemple, on frôlerait le pétaoctet, c'est-à-dire 1000 teraoctets, parce que les caméras aujourd'hui sont en haute définition, donc beaucoup d'informations à trier, et donc il faut des solutions. Identifier un visage sur une vidéo, il faudrait déjà qu'il puisse être relié à une base de données. Alors ça existe à Londres, ça existe aux États-Unis, ça existe partout. Vous vous souvenez de l'attentat à Boston, les deux individus pris sur une image vidéo. À partir de là, un logiciel de reconnaissance faciale, comme vous dites, a permis de les rapprocher à un fichier qui vous était inscrit dans une université. On les a identifiés. En France, c'est tout à fait possible. C'est même en cours de réflexion et ça évolue même, puisque la loi a évolué pour dire que une image ou une photographie d'une signalisation doit permettre un rapprochement photographique. On ne parle pas de reconnaissance faciale. En France, au niveau liberté individuelle, c'est très cadré, il y a la CNIL. Donc le rapprochement photographique est en train d'évoluer. Alors pas la science, parce que la science elle est au point. Mais là, maintenant, il s'agit de pouvoir le relier à la base d'individus qui ont été signalisés, avec tout le cadre légal que ça implique, et les autorisations nécessaires pour pouvoir rapprocher un visage. Et plus les caméras sont de haute définition, plus on pourra le faire. La technologie, de toute façon, elle existe, donc c'est encore une fois une question de moyens, une question de gens pour traiter ça, parce que comme je disais, à Londres, ils sont 200 personnes à faire que ça toute la journée, c'est-à-dire à faire de l'analyse vidéo, de l'analyse intelligente, immédiatement après les faits, et de la reconnaissance faciale. Non, c'est impossible. Donc, on généralement, on fait l'ADN sur les poignets. Et après, si tu veux, oui, là, on peut éventuellement mettre de la foudre à l'intérieur. Ouais. Pareil pour les placards. Après, on verra tout ce qui peut être ouvert ou fouillé, donc on va faire ça. Ouais. Mmh. Ok. D'accord. De toute façon, on va faire les écoubilles ensemble. Ouais. Pour marquer la même chose. Hier, on a vu les écouvillons, donc ces gros coton-tiges qui sont dans les tubes. Là, c'est quoi le liquide qui est aspergé dessus? Alors, c'est du sérum physiologique. C'est le même qu'on utilise pour mettre dans les yeux, en fait. Hein. Tout simplement. C'est juste pour humidifier le coton de l'écouvillon, pour que la matière, ce qu'on appelle la trace de contact, accroche bien sur l'écouvillon. Alors pourquoi on va faire les écouvillons là, sur ces tiroirs de la cuisine en premier temps? Dans un premier temps, c'est parce que là, potentiellement, les personnes qui étaient présentes dans l'appartement et qu'on cherche à identifier auraient fouillé les lieux. Voilà. Donc on part du principe que potentiellement, ils ont ouvert tous les tiroirs et tous les placards. C'est toi qui fais les écritures? Tu me diras comment tu nommes comment tu positionnes les tiroirs, comme ça je mets la même chose, comme ça sera cohérent avec mon fichier présent. On est bien. Hein. On fait toutes les poignées. Hein. Bah ouais, du coup. Tu commences par le bas. Par le haut. C'est du bois. Franck, 9e écouvillon sur 30, c'est un vrai travail de fourmi. Est-ce que c'est pas trop fastidieux? Bah non, là c'est pas trop fastidieux parce qu'en fait on a mis notre plan de bataille avec le collègue juste avant d'attaquer. Donc là du coup moi je fais ce qu'on a vu hier, c'est-à-dire main propre, je fais les écritures, comme ça décharge Julie de ça, et puis du coup elle fait les écouvillons à la chaîne. Non, c'est pas fastidieux, hein, sur certaines affaires criminelles, on peut monter 150, hein, 160. Oh, Julie, on peut attaquer, c'est bon. Une fois que t'as fini, ouais. Il y a quoi, les interrupteurs, les poignées de porte? toute façon, on fait comme les écouvilles, on attaque le coin cuisine, puis on suit comme ça. Ouais. Couleur de la poudre, Franck. La carcasse du micro-ondes de la cuisine étant en plastique blanc, lisse. Donc là, j'utilise une poudre foncée, à savoir de la poudre magnétique noire. Toujours pour une histoire de contraste, en fait. Poudre foncée sur support clair et inversement, poudre claire sur support foncé. Donc là, j'ai ce qu'on appelle un maniabroche, c'est un passant magnétique. En fait, c'est un petit aimant, puisque la poudre est magnétique, c'est de la limaille de fer. Enfin, composée principalement d'imaille de fer. Que j'applique donc sur une surface lisse. Alors là, pour l'instant, il y a ce qu'on appelle des traces, mais qui sont des traces de nettoyage. Et quand bien même des choses apparaissent, c'est ce qu'on appelle les traces non papillaires, donc qui ne nous intéressent pas pour l'enquête. Donc là, pour l'instant, on révèle que des traces de nettoyage. Enfin, des traces d'essuyage, quoi, en fait. Alors ça tombe bien, puisqu'on apprend, on a appris que la femme de ménage avait fait le ménage. Donc au moins, elle a fait le ménage ici. Mais il faudra qu'elle recommence. Elle est en garde à vue à la BRB. Elle D'accord. vient de sortir en TNR, donc je D'accord. pense que c'est pour cette affaire-là en plus. D'accord. Donc on est dans votre section, oui. Tracé indice. Un de vos collègues vient de vous transmettre une fiche trace. Oui, alors une fiche trace, c'est une fiche sur laquelle sont apposées les traces digitales ou palmaires que nous relevons sur les scènes de crime. Et ces traces vont donc être comparées aux victimes, tout d'abord à la victime, aux familiers, ce qu'on appelle les familiers, c'est-à-dire l'environnement, les proches de la victime, aux suspects éventuels, s'il y a des suspects, des individus placés en garde à vue. Et à défaut, ces traces vont être envoyées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales, donc qui comprend plus de 5 millions d'individus, hein, non pas de doigts, hein, d'individus. Et là, on vient de me porter une fiche trace, puisque les résultats, ces recherches auprès du FED se sont révélées positives, et une trace vient de IT, comme on dit ici, on vient de IT, sur un individu. Ça veut dire quoi, IT ? IT, alors dans les séries télé, on n'emploie jamais IT, on emploie match, mais ça veut dire que la trace vient on vient de se rendre compte, enfin le FED vient de sortir la trace, c'est-à-dire qu'elle a pu être identifiée via le FED, et qu'elle correspond à l'empreinte digitale d'un individu connu, du fichier automatisé des empreintes digitales. Sur la piste du HIT au FAED, direction le premier niveau de l'identité judiciaire. Là, s'affaire devant des ordinateurs majoritairement des techniciennes, dont Catherine, revêtue d'une blouse blanche. On travaille sur les traces... C'est des empreintes parcellaires relevées sur des lieux de délit ou de crime. Pour nous, on travaille vraiment sur la particularité de l'empreinte, du point caractéristique. Et c'est ces points, c'est le nombre de points, il en faut 12, pour déterminer une identification. Si on crête les points caractéristiques, donc arrêt de ligne, bifurcation, anneau, îlot, voilà quoi. Donc ici, brièvement, vous avez une recherche avec des points verts associés. Donc la machine, enfin l'ordinateur, l'algorithme a pu sans problème calculer que cette image avait des chances de correspondre à celle-ci. Et effectivement, donc, les points associés que l'on a en vert correspondent géographiquement à ceux de ma trace. Et donc, pareil, même démarche, compter les crêtes. Donc, on saute une et on arrive sur un autre point. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Catherine, ça fait combien d'années que vous regardez des paysages vallonnés ou crêtés comme ça ? Ça fait 30 ans. Est-ce que votre satisfaction depuis 30 ans, c'est d'avoir ces trois lettres qui apparaissent, résultat, HIT ? Oui, c'est un jeu. C'est même si l'implication, enfin, la être autrement plus important à la, en finalité, mais c'est un jeu. Est-ce que vous êtes déjà allé sur une scène de crime ? Très rarement, très rarement. Moi, je suis femme d'intérieur. Les auteurs d'infractions, quand ils sont chez les victimes, eh ben, ils ont un petit coup de stress et ils sont obligés de se soulager de façon naturelle. Et des fois, ils vont aux toilettes. Et c'est déjà arrivé qu'ils aient fait un petit pipi, qu'on ait relevé des traces papillaires des auteurs sur les cuvettes et les bâtons des toilettes. Donc voilà. C'est déjà vu. Ou que les auteurs ils fument sur les lieux. Voilà maintenant qu'ils sortent de l'ADN un peu moins et qu'ils jettent leur mégot dans les toilettes. Ça arrive aussi. Et qu'ils tirent pas la chasse. Et qu'ils tirent pas la chasse. Ou qu'ils tirent la chasse et que le mégot il soit pas parti. Ça c'est déjà vu. En fait tout c'est déjà vu quasiment. Ça c'est quoi ça ? On sait pas. On sait pas. Ça ressemble à quoi ? On voit des simultanés, ce qu'on appelle simultanés, ça peut être des mains. Alors après, ça peut s'expliquer par beaucoup de choses. Hein. La femme de ménage qui s'appuie sur le mur ou quelque chose. Là, on ne sait pas ce que c'est, donc... Trace non rougeâtre, mais suspecte. Potentiellement suspecte. Donc là, c'est le boussard qui va nous révéler si c'est des traces de salissure du... je sais pas, de la poussière ou une salissure quelconque, ou du sang. C'est gros doigt, je trouve, non ? C'est pas un doigt. C'est un pouce féminin, je sais pas doigt masculin, c'est trop fin ici. Après, c'est pas bon, hein. Tu peux la prendre. Bah ouais, on va la prendre. Hein. Par contre, je veux bien une photo, s'il te plaît, Steve. Sans te commander, bien sûr. Steve, il y a 15 minutes. Je suis en train de coller un sticker avec un test millimétré dessus pour toujours voir la taille de l'empreinte pour pouvoir la mettre au bon rapport après pour une éventuelle analyse. Et je vais la prendre en cliché photographique. C'est toujours une sécurité supplémentaire quand on fait un prélèvement. On ne sait jamais si le sticker qu'on va utiliser va bien coller et bien adhérer à la trace. Le fait de l'avoir en photo avant, ça, on est sûr d'avoir la trace en bonne qualité pour pouvoir l'étudier derrière. Tous ceux qui veulent perdre du poids, c'est maintenant. Là. Donc Franck, opération Blue Star. Donc opération Blue Star, donc là on s'équipe. Ouais. On s'équipe tous. On s'équipe tous de quoi ? Combinaison, à usage unique, sur chaussures, masque. Et puis comme on a une capuche sur la combinaison, on va mettre la capuche. Plus les gants ? Plus les gants, bien évidemment. Ouais. Une fois que tout le monde sera équipé, bah, on va rentrer. Et pourquoi tout ça ? Il y aura des projections de liquide. Donc c'est pour nous vous préserver en fait de ces projections-là. Quoi. Mais vous avez. Ah, vu que c'est un produit chimique. Parce qu'en plus, on va faire des dispersions à hauteur d'homme, quasiment, ou sur le sol. À un moment donné, on va être obligé de se baisser. Forcément, il y aura potentiellement des dispersions qui seront dans l'air. Donc là, il faut absolument qu'on se protège de partout. Quoi. Thierry est le chef de la section photoplan à l'identité judiciaire. C'est lui qui lisait la main courante tout à l'heure. Avec Perrine, il a une autre spécialité. Il fait partie de la cellule IVC, identification victime catastrophe. Mais c'est une cellule donc permanente qui, nous sommes une quinzaine à Paris, et on fait partie de cette cellule non permanente sous l'égide de la gendarmerie. C'est quand lorsqu'il y a des grandes catastrophes, que ce soit des accidents d'avion comme récemment dans les Alpes, que ce soit en Thaïlande, que ce soit il y a eu un crash, on est sorti sur un crash d'avion au Venezuela, on a été appelé aussi à Haïti suite au tremblement de terre. Donc en fait, mais comme son nom l'indique, c'est pour identifier les victimes des catastrophes, donner une identité au corps qu'on recueille donc sur les lieux de catastrophes diverses. Donc là, on sort de la spécificité scène de crime pour arriver sur des scènes de morts multiples, on pourrait dire. C'est ça. Oui, morts multiples, oui. Mais pas forcément de ça n'est pas des crimes, ça ne sont pas des crimes. Vous êtes intervenu pendant le tsunami. Oui. Racontez-moi comment vous avez travaillé avec d'autres équipes étrangères. Au départ, on a travaillé dans un temple bouddhiste que les Thaïlandais nous ont mis à disposition. Et donc les corps nous étaient amenés. Donc les corps qui étaient dans des bâches, ils étaient amenés, déposés, on ouvrait la fermeture, on sortait le corps. Là, on faisait un premier atelier avec la prise d'empreintes, si c'était possible. Ensuite, on faisait une mini-autopsie. Et cette mini-autopsie, c'était pour voir s'il y avait des signes distinctifs pour reconnaître la victime. Alors ça peut être des cicatrices, ça peut être des tatouages. On prenait les vêtements en photo aussi, pour voir s'il y avait des étiquettes, les bijoux, notamment, par exemple, les alliances. À l'intérieur des alliances, on peut avoir des noms, des prénoms. Ensuite, après cette autopsie, le corps partait voir les odontologues, qui donc regardaient les dents. Et ensuite, donc, tout ce travail était recueilli en fin de chaîne, et ensuite pour être comparé aux renseignements qui étaient pris par la cellule antémortem, parce que nous, on était post-mortem. Donc la cellule antémortem en France donc recueillait tous les renseignements auprès des familles concernant les victimes. Alors, vous êtes dans ce temple en train d'ouvrir des sacs mortuaires. Et qu'est-ce qui se passe dans l'équipe anglaise? Donc, il faut savoir que ces cadavres avaient quand même été un peu anciens. C'est-à-dire qu'ils avaient, été au soleil. Ils avaient déjà été dans l'eau, puis au soleil. Donc, ils ont eu un état de putréfaction un peu avancé. Donc, ils avaient changé de couleur. Honnêtement, ça ressemblait plus trop à des humains. Et donc, on faisait ça toute la journée avec l'odeur. Et ce travail a duré 3 semaines. Et donc, on faisait. Et puis, au début, donc, ça peut choquer. Mais après, on s'y fait, quoi. Et donc, on s'y fait. Et donc, ce jour-là, l'équipe anglaise est à côté de nous, la chaîne anglaise, ouvre un sac. Et on s'aperçoit, ils font tous, dès qu'ils ouvrent le sac, un mouvement de recul. Et donc, bien sûr, on est curieux. Et donc, on va voir ce qui se passe. Et en fait, le cadavre qui était à l'intérieur du sac était un cadavre frais. En fait, c'était une victime qui était décédée à l'hôpital, mais dont on n'avait pas l'identité. Et donc, pareil, il passait donc dans la chaîne. Et en fait, ce cadavre était frais. Et l'impression que j'en ai, moi, le sentiment que j'ai eu, c'est que j'étais content que ce soit eux qui l'aient plutôt que moi. Nous, on était habitués au cadavre pourri. Et ce cadavre frais, en fait, me gênait, en fait. Pourquoi ? Ben, sûrement, peut-être parce qu'on était... Ça nous rapprochait de lui-même, peut-être, je sais pas. On était tellement habitués à... C'était devenu des objets, en fait, qu'on manipulait, en fait. Perrine, vous faites partie de la cellule IVC, Intervention Victime Catastrophe. Vous êtes intervenu sur le drame de Germanwings. Oui. Donc, vous êtes intervenu en post-mortem, mais contrairement à Thierry du service photo, vous êtes aussi formé en antémortem et vous êtes volontaire pour rencontrer des familles. Racontez-moi. Le travail est complètement différent, l'approche également. Si l'activité en post-mortem est peut-être plus physique, enfin, il s'agit du relevage des corps et l'assistance à autopsie, en matière d'antémortem, il y a donc le contact avec les familles pour récupérer des renseignements d'identification. Et donc, c'est vrai que c'est toujours délicat de demander à quelqu'un est-ce que votre enfant avait un tatouage, une cicatrice particulière, une tache de naissance, mais c'est indispensable pour le travail d'identification. Autant la vision du cadavre m'effraie peu, autant le contact avec les victimes me gêne. Pourquoi ? Parce que ça vit. Encore une fois, le cadavre, c'est un objet, c'est... Parce qu'il y a du sentiment, et moi les sentiments, ça m'affaisse. Bizarrement, c'est paradoxal, mais je pense être une personne sensible, et donc voir des gens pleurer, annoncer le malheur à des gens, moi je peux pas, j'ai du mal. Alors que manipuler du cadavre ou des morceaux de viande, ça me gêne moins. Moi personnellement, l'antémortem, moi j'ai demandé à ne pas faire d'antémortem. en fait? Je le fais, tout simplement. Je sais pas. En fait, je crois que je me... En fait, je me pose pas de questions. En fait, il faut être dans la compréhension sans être dans l'empathie. Si vous êtes dans l'empathie, c'est fini. Il faut être distante sans être froid. Il faut les écouter tout en se disant qu'on a quand même un dossier avec énormément de questions à répondre et qu'il y a beaucoup de familles de victimes. Notre travail, nous, c'est vraiment d'avoir des éléments d'identification. Couteau, Franck, dans la baignoire Parce que c'est la pièce où il fait le plus sombre. Hein. Et puis comme ça, on va pouvoir les étaler et puis tous les faire d'un seul coup. Allez. On est parti. Ouais. Nada, Franck, tous ces couteaux, vous les avez trouvés dans la cuisine, ils ont tous été lavés, mais vous cherchez quoi là? Même un couteau qui aurait été potentiellement lavé et qui aurait du sang dessus réagirait au blister. Donc là, non seulement ils ont été lavés, mais bon, il n'y a pas de sang dessus. Voilà, la réaction qu'on a vue tout à l'heure, je vous ai montré, ça doit apparaître comme ça. Et ça apparaît immédiatement. Hein, ça apparaît pas au bout de quelques secondes, au bout de quelques minutes. Hein. Bon, bah, les couteaux, c'est fait. Est-ce que tu peux faire des fringues? Ouais, bien sûr. Par contre, si on peut faire ça plutôt dans la salle de bain. Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est les vêtements. Les vêtements qui ont été découverts. Comme ça, on laisse ça dans la... En plus, on en profite. Tu les emmènes, les vêtements, ou quoi? Oui. Ouais. Ouais. Ouais. Là. Ouais, ça va. Une positive en dessous. Ah, ça va, ça va. Ça va. Belle idée, quoi, là. Donc, c'est un écouvillon sur lequel, enfin, j'ai prélevé en fait la réaction sur un écouvillon. J'ai mis dans un test spécifique de la marque Blue Star. Et donc là, je vais mettre ce produit dilué avec la trace que j'ai révélée, donc qui a été extraite de l'écouvillon dans le produit. Et donc là, je vais faire le test. Donc là, on va aller au jour. Ouais. Tac. Donc tac, ça veut dire quoi? Ben, c'est-à-dire qu'on va attendre le résultat. Combien de temps? 2-3 minutes. C'est bon. Donc là, en fait, il y a un buvard, là on le voit, il y a un petit buvard. Donc j'ai mis le liquide sur un buvard. Le buvard commence à s'imbiber. Quand il sera imbibé jusqu'au bout, vont apparaître des petits traits ou pas. Et ces petits traits-là vont déterminer s'il s'agit de sang animal ou humain. Ou si c'est pas du sang du tout. Ce qu'on appelle les faux positifs. Donc si c'est du détergent, par exemple, ou si elle a marché dans un produit quelconque ferreux, ben, il n'y aura aucune barre qui va apparaître. Donc il y a toujours un moment de suspense comme ça. Dans la preuve, on est tous à regarder un petit truc qui fait 5 cm de long sur 2 cm de large. Après 4 heures de travail. Et sans rien dire. Alors qu'on transpire sur celui qu'on vit comme des malades. Mais Franck, est-ce que c'est aussi pour ça que vous faites ce métier? Ah ouais. pour ce moment-là de révélation? Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, la première barre qui apparaît, ça veut dire que le test fonctionne. Voilà. Et si on a une deuxième barre qui apparaît... Bah, ça aura très bien fonctionné. Mais ces nouveaux tests, ils sont bien parce qu'ils sont rapides. Ouais. Et combien on en a fait avec la crime, des comme ça? Oui, quand même. Ouais. Quand même. Ouais. Des 500, des 700 mètres carrés. T'attends comme ça pendant des heures. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire. Il y avait combien de mètres carrés 6 ou 7 bouteilles, on avait fait. Et de là, là où ça de sera quoi, positif au sang humain, mon ami. Sang humain. Bah, ce que je peux faire, c'est découper juste cette partie-là. Tu veux un prélèvement ou on découpe? On découpe. Hein, ça va être plus simple pour vous. Hein. Oui. Ouais. C'est le premier que je vois. Positif. Non, non, pour moi. Donc voilà. Donc là. Oui, oui. Mais à ce stade de la journée et de l'enquête, on peut rien déduire de cette trace de sang. Rien du tout. Après, au laboratoire, ils vont comparer ça avec le sang de la victime ou de la locataire des lieux, puis voilà, puis comparons, c'est le sien, c'est pas le sien. Ben après, l'enquête continue sur le prélèvement. Hein. Perrine a laissé Thierry devant les photos de la nuit dernière. Elle a ouvert sa mallette qui contient le kit entomologie. Dès que quelqu'un décède, au bout d'une heure déjà, la première escouade de mouches se vient sur la scène de crime. Et donc l'idée des prélèvements entomologiques est d'essayer d'obtenir une date de première ponte. La première escouade, elle vient, ce sont les femelles toujours, elles sont attirées par une odeur, dégagée par le corps, non perceptible par l'homme. C'est une odeur qui est également perceptible par le chat, cette odeur dégagée par une mort très récente. Elle va pénétrer le corps par les orifices humides naturels, à savoir donc les narines, les yeux, l'anus et la bouche. Ces escouades, ces mouches, elles ont un nom ? Oui, alors il y a toutes sortes de mouches, il y a des diptères, des coléoptères, on retrouve également certains acariens. Voilà, on a 8 escouades environ qui viennent tour à tour, dans un ordre chronologique immuable, qui se rendent sur la scène de crime, infester le cadavre ou les environnements. La première escouade donc intervient une heure ensuite après le décès, la seconde escouade intervient environ un mois après le décès, et la troisième escouade à peu près 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 2 ans pour la 8e escouade, mais tout dépend de l'environnement. Tout dépend si nous sommes dans un endroit sec, chaud, à l'air libre, de façon durable, enfoui. Un corps enfoui sous terre dans un cercueil, il n'y a pas de circulation d'air, pas de bactéries, pas de putréfaction, donc pas d'odeur dégagée. Donc la faune environnante ignore qu'il y a un corps à cet endroit-là et ne viendra donc pas sur le cadavre. On a vu Julie en action dans l'appartement avec Franck qui cherchait avec des écouvillons des traces. Là, on est dans une forêt avec un cadavre en décomposition. C'est un cas d'école. Vous prenez les larves. Et est-ce que vous les mettez dans des petits sachets? Comment vous les ramenez et c'est quoi le trajet? Comme vous pouvez le voir ici, effectivement, nous sommes dotés de petits bocaux comme ceci, donc soit en plastique, soit en verre. Ces prélèvements, nous ne les ramenons pas au service, nous les remettons à l'OPJ sur les lieux du service d'enquête, à charge pour lui, dans les 3 jours, de transmettre tous ces prélèvements pour analyse par un laboratoire compétent. Et il doit les maintenir. Il ne suffit pas qu'il rentre à son bureau et qu'il les mette dans un tiroir à température ambiante, sinon il aurait de mauvaises surprises au bout de quelques jours. Il faut vraiment qu'il les maintienne à 5 degrés. Travailler sur un cadavre putréfié avec des larves, des insectes, des pupes, est-ce que ce n'est pas un degré supplémentaire, j'allais dire, dans l'horreur, entre guillemets? Alors, pour ma part, il y a une telle déshumanisation, en fait, que c'est presque plus facile. Mais c'est vrai que ça apporte d'autres désagréments. L'odeur, elle est insoutenable. La moindre manipulation, le moindre mouvement autour du cadavre nous fait redouter le pire. Donc, c'est plus dur au niveau des constatations, mais humainement, c'est plus facile parce que la victime, malheureusement, est défigurée. Thank you. Alors, quelle heure il est, Franck, là ? 15h. 14h56. 15h. Donc, on est arrivé à 10h30. Oui. Donc, bilan de cette matinée. Bilan de cette matinée, c'est bon. On a fait ce qu'on va faire avec les collègues. Ils voulaient qu'on fasse des recherches de traces de contact, c'est ce qui a été fait. Donc, c'est positif, puisqu'on revient avec des écouvillons, des traces papillaires, Julie, je crois qu'on en a. Bon, elles seront exploitées, mais après on verra ce que. Voilà, donc ça sera cet après-midi ou demain. Après le booster, réagit positivement et un test positif au sang humain, mais bon, ça prouvera au moins la présence de cette personne dans l'appartement qui ne pourra pas dire qu'elle n'y a jamais mis les pieds, tout simplement. Après, elle doit s'expliquer pourquoi elle affirme ne jamais être rentrée dans l'appartement, alors qu'on trouve et de l'ADN et des empreintes et des traces papillaires. Voilà. Et après avoir bien transpiré, on arrête. On arrête là ? Ouais. On a tout, c'est parfait. Thierry, oui. On a vu dans une des affaires de nuit qui est tombée, un homme habillé en super-héros au visage tuméfié. Est-ce que vous avez la suite du dossier ? Alors, il semblerait là aussi que, suite à l'autopsie, cet homme soit mort de mort, on va dire, naturelle ou accidentelle. En tout cas, une crise cardiaque, un infarctus serait donc la cause de son décès. Et en fait, son nez tuméfié serait dû à la chute. Il serait tombé de sa hauteur, c'est-à-dire si vous tombez sans vous retenir avec les bras, sur le nez, ça fait très mal. Donc, c'est pour ça que son nez était tuméfié et tout ensanglanté. Il n'est pas tombé de l'immeuble, il est tombé de sa hauteur, de... Il y avait autre chose qui a tourné dans le service, c'était ces mœurs particulières. Est-ce qu'on peut en dire un mot ? Oui, alors ces mœurs particulières, apparemment, il aurait été dendrophile. C'est-à-dire qu'en fait, il aimait les arbres, passionnément. Voilà. Mais au point de quoi ? Il faudrait prendre la définition dans le dictionnaire. Alors, a-t-on dendrophile dans mon dictionnaire ? Ah, là, alors là, la dendrophilie est une paraphilie, on me demandait pas ce qu'est une paraphilie, dans laquelle un individu est sexuellement attiré ou excité par les arbres. Cela peut inclure un contact sexuel ou vénération en tant que symbole du phallus, ou les deux. Voilà. Bon, je pense pas qu'il y en ait dans le service. Identité judiciaire, opération Blue Star, à la recherche d'une trace de sang. Merci à Julie, Perrine, Franck, Fabrice, Nicolas, Steve et Thierry. Réalisation François Test, un documentaire de Michel Pomarède. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, liens ou pour nous réécouter à la brigade, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr.